Quatrième partie, chapitre 2, quatrième section. Nécessité du baptême et devoir des baptisés. Le baptême est-il nécessaire pour être sauvé? Le baptême est absolument nécessaire pour être sauvé, car le Seigneur a dit expressément « Celui qui ne renaîtra pas dans l'eau et le Saint-Esprit ne pourra entrer dans le royaume des cieux. » Peut-on suppléer en quelque manière au défaut du baptême? Le défaut du sacrement de baptême peut être suppléé par le martyre qu'on appelle baptême de sang, ou par un acte de parfait amour de Dieu ou de contrition, joint au désir au moins implicite du baptême, et ceci s'appelle baptême de désir. À quoi s'oblige celui qui reçoit le baptême? Celui qui reçoit le baptême s'oblige à professer toujours la foi et à pratiquer la loi de Jésus-Christ et de son Église. À quoi renonce-t-on en recevant le Saint-Baptême? En recevant le Saint-Baptême, on renonce pour toujours au démon, à ses œuvres et à ses pompes. Qu'entend-on par les œuvres ou par les pompes du démon? Par les œuvres et les pompes du démon, on entend les péchés et les maximes du monde contraires aux maximes du Saint-Évangile.